s'était pourtant bien passé. Dans le plus merveilleux des songes, naturellement corps allongé, charmant prince au royaume des anges, j'écoutais le gazouillis joyeux des oisillons sur mon balcon. Après tout, quoi de plus délicieux que le néant sous l'édredon? Le salaud se mit à gueuler comme un bourrin frappe à sa cloche. Ben oui, j'aurais dû m'en douter, dormir avec un manche de pioche. Alors j'en devins capricieux, je me glisse un petit peu plus profond dans la couette et les cieux, attendant que la vie me suce. J'attends bien sûr qu'il soit trop tard pour émerger stress écœuré. Bordel de merde, vivement ce soir. Fiche putain, je veux pas y aller. Délire atroce de la cité, ferveur absurde et ratépiste. Trop super rapide à arpenter les couloirs qui puent la piste. Reste à serrer 28 paluches, avaler cet oubli café, passer les heures à faire l'autruche, cacher, faire semblant de travailler. Et tout le monde est bien content, surtout pas le moindre souci. Gaspiller sa vie à plein temps, c'est banal, normal, c'est ainsi. Suffirait de passer l'éponge, de faire mousser la sympathie, avant que les humains ne plongent dans le gouffre de leur ennui. Suffirait de recommencer, nettoyer avec des iris les continents parasités par l'animal champion du vice.